une histoire particulière. J'aime bien l'idée de collection. Vous avez dû vous en rendre compte en suivant cet été la collection 2018 autour des 7 péchés capitaux, toujours disponible sur le site de France Culture. Pour cette nouvelle saison, je vous propose une fois par mois de partir à la découverte d'un lieu et de son histoire. Caché, abandonné, maudit ou bien hanté, une histoire particulière part en quête de ces lieux, riches en histoires parfois méconnues. Véritable exercice de style, les producteurs et réalisateurs d'une histoire particulière vont parfois prendre bien des risques pour vous faire voyager. Je les connais bien et je dirais que le dépassement de soi est ce qui caractérise le plus la première équipe de choc, Michel Pomarède et François Test, dans le documentaire qui suit. Bon voyage. Bon, comment tu vois ça ? Plein feu sur le phare de Thévenec. Bah, un devant, c'est bien. Michel Pomarède, ouais. François Test. Et puis un de chaque côté du bidon. Ouais, voilà. C'est bon, voilà. On va pousser le sac vert, peut-être on le fout là. Mais si on veut poser des questions pendant le trajet. On monte ça. Bon, de toute façon, on va pas aller. On a le temps. Hein. Ouais, on a le temps. Première partie. Chance, retour en enfer. La plus chance, c'était de partir d'ici. Quoi. Marc Pointude, où est-ce qu'on est ? Nous sommes au Loc, le port de Primelin, qui nous permet de mettre le bateau à l'eau facilement, puis d'appareiller. Puis l'avantage, c'est qu'on est à mi-chemin à peu près entre Dierne et la Pointe du Raz. Donc on gagne quand même un peu de temps. 10h du matin, direction Thévenec, si tout va bien. Alors on va poser une question au capitaine. Jeff, quelle durée de trajet ? Oh, entre 45 et 1 heure. On aura un peu encore de courant à contre. La mer, elle est comment aujourd'hui ? J'espère plate. On verra ça. Bah, c'est la particularité du Ratzin. C'est au port, c'est calme. Ratzin, des fois, ça peut. On ne sait pas pourquoi. Ça se lève, il y a 2 mètres, 3 mètres de houle, mais on ne sait pas d'où ça vient. Souvent, c'est de la houle de fond qui vient du large, quoi. Et ça, on ne peut pas le prévoir. Et donc, l'embarcation, c'est quoi ? Ouais, c'est un vulgaire pneumatique. Avec un 75 chevaux. Donc ça dégage une petite vitesse de quoi, ça ? Oh, ben là, on va pas faire entre 10 et 15 nœuds. Sinon, tout seul, je fais 40 nœuds, mais ça n'a aucun intérêt. Donc 10-15 nœuds, c'est quoi ? C'est 30 km/h ? Voilà. Oh, ben dis donc, c'est un truc qui est bizarre. Là, parce que ça continue à descendre. Ouais. On peut faire ça en mer. Hein. Oh, ouais. Allez, on en va. Au printemps 2016, Marc Pointu, le président de la Société nationale des phares et balises, a passé 69 jours dans le phare de Thévenec, en pleine mer, au nord du Ratzin. 69 jours d'un voyage immobile pour qu'on n'oublie pas cette maison-feu édifiée sur un gros caillou en 1875. Avec le fol espoir d'obtenir des moyens pour rénover l'édifice inhabité depuis 1910. Retour sur place pour un court séjour d'une nuit et d'un jour. À peu près 20-25 minutes de mer. Eh ben là, on est à la Pointe du Raz. Donc, ce qu'on voit devant nous, c'est bien sûr le phare de la Vieille. Et puis, juste à côté, la tourelle de la Plate. Alors, ça marque l'extrémité de la Pointe du Raz et le passage du Ratzin. De l'autre côté, on aperçoit dans la brume l'île de Sein, tout à fait dans l'ouest. Et donc, là, on va s'engager dans le Ratzin. On est à mi-marée de jusant, descendant, mais comme il y a le vent a l'air de se calmer, ça devrait bien passer. Parce que sinon, vent contre courant, ça lève une mer assez hachée et des fois difficile, même par petit temps. Donc on va continuer, on aperçoit tous les ligneurs là, les petits bateaux qui sont en train de pêcher à la ligne, le bar ou le d'autres poissons comme le lieu par exemple. Et puis nous-mêmes on va passer par l'ouest de la tourelle jaune et noire qui est là-bas. Et puis on va faire route sur Thévenec qu'on aperçoit déjà dans le lointain. On le voyait, il doit être derrière les premiers rochers là. Et puis, mais j'ai eu l'impression de comprendre qu'au pied de Thévenec c'était un peu blanc. J'espère qu'on pourra débarquer. Et là on commence à rentrer, on voit la mer, elle a changé de couleur là. On commence à rentrer dans le dans le jusant là, dans le courant qui nous porterait vers le sud. Mais nous on va faire route vers le nord. Conditions de séjour sur Thévenec décrites dans le contrat de la Société nationale des phares et balises. Les participants sont informés que la maison de Thévenec ne dispose d'aucun confort ni mobilier permettant de séjourner. Il n'y a pas l'eau courante, ni l'électricité, ni chauffage, ni commodité sanitaire. Le réseau Internet est accessible mais peut rester aléatoire selon les conditions. La fourniture de courant faible pour le rechargement de batterie n'est assurée que si les conditions techniques le permettent et ne revêt aucun caractère obligatoire. Là, il y a des séquences de houle, hein, faut faire attendre. Marc Pointude, en face. En face, c'était Thévenec. Déjà ? Oui. Bravo, ah, Jeff. Voilà, j'espère, je regarde si on peut. Il va falloir débarquer, mais. Il y a des séquences de houle là, il y a des moments, des passages un peu plus forts, puis d'autres moins. Donc il faut qu'on se rapproche et puis qu'on observe un peu de ça de près, puis qu'on chope le bon moment pour débarquer. Ce sera peut-être pas une seule fois d'ailleurs, parce que faut s'approcher et repartir, mais ça a l'air d'aller. On dira qu'on est bien quand on est sur le caillou. On va s'approcher un peu plus. Faisons attention à la tête de roche qui est là sur le tribord, parce que. Heureusement, on est à mi-marée, donc on les voit à peu près. Il n'a pas bougé ? Apparemment, non, mais il est là depuis quelques centaines de millions d'années, donc à mon avis, il va attendre encore un moment. Parce que la dernière fois que vous êtes venu, Marc Pointude, c'était avec des youtubeurs en octobre 2017. Oui. Eux, ils étaient venus en hélicoptère. Oui, ils étaient venus en hélicoptère, oui, parce que là, de toute façon, on n'aurait pas pu débarquer. Hein. Il y avait trop de houle. Ben, dès qu'on est dans la saison hivernale ou commencement de la saison hivernale, il faut oublier ce genre de manip, parce que c'est un miracle s'il y a du beau temps ou un temps. Il peut faire beau, mais il ne faut pas qu'il y ait de houle rémanente, voilà. Ce qu'on appelle la houle qui vient du large. Donc il fait très beau, sauf qu'on ne peut pas débarquer. Voilà. Dès qu'il y a plus d'un mètre de creux, ici, on ne peut plus débarquer. Donc là, on est en approche. Là, oui, on est à quelques 200 mètres, là, une encablure à peu près. On approche. On voit bien l'échelle, là, sur la descente, là. C'est à peu près maniable. C'est par séquence, hein. Tout à l'heure, ça l'était moins, maintenant, ça l'est un peu mieux. On va s'approcher. Les personnes qui débarquent ou séjournent à Thévenec le font à leur risque et péril, et leur participation implique qu'elles se reconnaissent aptes à le faire, c'est-à-dire qu'elles disposent des capacités physiques et mentales permettant un séjour qui peut présenter physiquement ou psychologiquement des difficultés plus ou moins importantes. Là, il faut, quand vous êtes sur l'échelle, là, il faut vraiment se concentrer. Quand on est sur l'échelle, il faut dégager. Méfiez-vous, là-haut, tout ce qui est noir, ça glisse. Hein, donc, il faut dégager, il faut serrer le mur, là où il y a le cormoran, et monter là-haut. Hein. Et, par contre, il va falloir rester les premiers, parce que moi, je vais descendre en premier, quelqu'un d'autre avec moi, parce qu'après, il faut passer les sacs. Hein. Donc, on ne peut pas le... Là, avec, Mais tu vois, quand t'as marré, toi, là, il y a un passage de houle, là. Voilà. Alors, il faut mettre un bout pour choper les sacs. Moi, je vais pas pouvoir lâcher. Lâcher, c'est-à-dire ? Non, mais je peux tout seul. Ah, non. Non, toi, tu restes à la manœuvre. Ouais, là, parce que là... Des fois, il faut reculer, tout simplement. Faut se sauver. Bon, ben, il faudrait se préparer. Alors, ce qu'il faut bien savoir, quand même, faut faire des manœuvres assurées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation. On ne jette pas le truc, on ne se précipite pas, parce que c'est là où, où le sac passe à l'eau, ou la personne. Il faut prendre son temps, il faut être, quand on est sûr, on dit go, on y va, on le fait. Sinon, on ne le fait pas. Voilà, alors là, c'est plus calme tout d'un coup. Là, c'est voilà. Cool, là, c'était pas mal. Là, c'est... Oui, mais ça va revenir, ce sont les séquences. Vous montez en premier, Marc Pointu? Oui, oui, oui, je monte en premier, mais je vais déjà mettre mon sac. L'attention des participants est attirée sur les dangers que représente pour la peau l'exposition aux radiations solaires qu'ils peuvent subir au large ou sur Tevenek et qui sont généralement intenses même et peut-être davantage par temps couvert. Il aurait conseillé de se munir des protections nécessaires en pareille situation. Alors ce qu'on fait, je débarque, je vais poser mes sacs pour être libre, d'accord, et après je vais revenir à l'échelle. Un boot. Jeff, le boot, c'est pour quoi faire? C'est pour récupérer un mec à l'eau ou un sac, si jamais... parce que lui, il sera... Là, on a la visite du phoque. Ah ouais. Bon, allez, on se concentre sur l'échelle, là, parce que c'est le phoque qui va attendre. Juste dans la houe. Merde, sa tête est partie. Là. C'est un deuxième. C'est là. Là, tiens, regarde. Tu vois sa tête. Ah oui, là. Là. Les dernières marches, Marc, Pointude. Ah, les dernières marches, c'est plus dur. Donc les dernières marches taillées dans le granit. Ouais. Elles ont souffert. Ah. Bon, on y est. Attendez, donc il faut se repérer. Ouais, je vais me désarnacher. Alors. Ok. Voilà, parce que sinon, on est un peu encombré. Pour nous repérer. Ouais, pour nous repérer, Marc Pointude. Alors, ici, Tevenek. En français, on dit Tevenek. Mais c'est vrai qu'il y a des appellations bretonnes d'abord, évidemment. Donc, Tovinok. Oui, Tovinok, Tevenek. Là, on est sur le... J'allais dire, le parvis de la terrasse. L'arrivée de ces marches, c'est pas un escalier à double révolution, mais bon... Et donc, on est sur la terrasse qui entoure le phare, la maison feu. On est côté sud, c'est-à-dire que là, on regarde vers le sud, hein, le Rat de Sainte, dont on vient. Donc, dans notre dos, on a la maison. Sur notre droite, là, dans le sud-ouest, on aperçoit l'île de Saint, le phare de Saint. On voit pas Armen, qui serait plus à droite, parce que on verra peut-être ce soir. Mais là, il y a trop de brume sur l'horizon, donc on voit rien. De l'autre côté, on a la pointe du Raz, qu'on a passé tout à l'heure. La baie des Trépassés, on voit là le rentrée. La pointe du Vent, qui est là. Et dans l'est, là on voit pas, mais tout ça, ça s'enfonce, c'est la baie de Dordogne. Voilà. Et si on remonte par ici, eh ben, on aperçoit une pointe, c'est le Cap de la Chèvre, presqu'île de Crozon. Puis plus dans le nord, ben, c'est l'entrée sur Brest, Ouessant et Saint-Mathieu. Et si on met cap à ouest, le Canada? Ah, si on met cap à l'ouest, en face, c'est le Canada, l'entrée du Saint-Laurent. Et ça fait rêver. Ça fait rêver, mais il y a un peu plus de chemin que ce matin. Puis je sais pas si on est armé pour ça. Les clés? Les clés, ah ben là, il faut que je les trouve maintenant. J'espère que je les ai pas oubliées. Du propriétaire. Ah oui, rapidement parce qu'il faut qu'on nettoie. Qu'est-ce qu'on va nettoyer? Ben, un peu les sols là parce qu'il y a un peu partout. Bah, ici, ça, c'est pas visité souvent. Hein. Je croyais que c'était inhabité. Non, c'est habité par les cloportes. Tous les jours. Bon, ben là, il y a la petite entrée toute simple hein, avec son carrelage d'origine quand même, ce qui est bien. 1875, puisque ça a été construit et allumé à cette période-là. Là, à droite, on a la grande salle, qui était la salle de vie d'autrefois, qui servait de cuisine, et puis de pièce à vivre, où il y avait autrefois probablement une gazinière, parce qu'il y a toujours l'emplacement et puis le conduit de cheminée. En face, en arrivant, il y a deux petits réduits. Un qui devait être des rangements ou lavabo, puis l'autre qui servait de toilette. Et puis le couloir tourne à gauche. Voilà. Et puis donc à droite, on a une pièce, toute simple. À gauche, une autre pièce, qui est la pièce où je me tenais pendant que j'ai vécu pendant les 69 jours. Où on a bien sûr laissé des affaires, là, parce qu'il faut pouvoir les retrouver quand même. Et puis au bout du couloir, on a l'escalier qui monte à l'étage et puis à la lanterne. Qui occupe la tour. Voilà. Ici, ça sent quoi, là? Un peu l'humidité, même beaucoup l'humidité chaude, même un peu. Ben, c'est pas aéré souvent, ici, il faut dire. Hein. C'est forcément. Donc, un balai en avant? Un balai en avant. Bon, on prend son temps. Ici, on prend son temps. Ouais. Ici, on n'est pas à la minute. Voilà. Bon, ben, on est bien dehors. Il fait beau, finalement. Alors, vu du caillou, il fait toujours beau. Parce que la mer n'est plus un problème. C'est d'en bas que ça arrive. Ah, vous méfierez là, parce que vous voyez, ça c'est la mousse qui se répand sur le côté humide et puis c'est hyper glissant. Est-ce qu'il y a un côté dangereux du phare où il faut pas aller? Oui, c'est le côté ouest, mais là aujourd'hui ça va. Ben, ce qu'il faut pas faire, c'est descendre en dehors de la terrasse. Hein, parce que c'est pas raisonnable. D'abord parce que les roches glissent, hein, vraiment. Hein. Et donc on a vu quand même qu'il y a d'autres habitants qui nous attendaient à notre arrivée. On a été accueillis par le phoque, c'est bien. Mais ils sont trois. Hein. Quand je les ai vus la première fois, c'était il y a 2 ans. Donc, ça doit être les mêmes, je pense. Mais bon, ils ont grandi, forcément. Donc, Marc Pointu, on est seul, mais vous disiez, avant de partir, que on nous surveille. Les gens nous regardent à la jumelle. Surveiller, c'est peut-être pas le mot. Non. On nous voit. Non, bah, on a prévenu, c'est le sémaphore, oui. On est en vue du sémaphore, là. Mais ils ne surveillent pas. Simplement, on les a prévenus, comme c'est le règlement le prévoit, avant de partir, pour leur dire qu'on occupait le phare, qu'on était là, qu'on venait passer la journée, etc. C'est bien, c'est... s'il se passait quelque chose à l'envers, ils nous préviendraient aussi. Donc, normalement, personne ne peut aller au phare, sauf, bien sûr, le service des phares et balises, il est chez lui, et nous. Donc, au travail? Au travail. On va changer de chaussures, déjà. Changement de perspective, regard sur Thévenec depuis l'île de Sein. On voit pas Thévenec aujourd'hui. C'est bouché là. Vous avez été là-bas? Vous êtes monté du côté sud? Par l'échelle. Par l'échelle? Oh. Ah bon? C'est bien, pas mal. Ben nous, on montait tout notre matériel par les petits escaliers là, en petits sacs. Je vous ai pas demandé comment vous appeliez. Yvon. Yvon comment? Ah. Hervé où? Oui, ben vous saviez, non? Ouais. Et donc vous êtes couvreur? Je suis couvreur de métier. Oui. Mais alors, racontez-moi, c'était quelle année? 50. 1950? Ouais. Vous êtes parti d'ici? Ah ben d'ici, oui. Racontez-moi la traversée. Ben c'est-à-dire qu'on avait la vedette, vous savez. Vous voyez la vedette blanche que vous voulez là-bas? Mais avec cette vedette-là, on faisait les retours du terre-plein ici, à Thévenec. On chargeait nos sacs de ciment et de sable ici, sur le terre-plein. On allait là-bas à Thévenec, on mouillait. Et avec un petit canot, on allait du gros bateau à la roche. Et on montait tout ça sur les épaules. On faisait à chaque marée, on prenait à peu près, disons, 500 kilos chaque fois, quoi. À chaque marée. Et tout ça en petit canot, du gros bateau à la roche. Vous aviez amené des vivres? Ah ben oui, là on allait tous les jours. Seulement, moi, je restais là-bas souvent 3-4 jours sans venir à terre. Les autres venaient tous les soirs ici. Voilà. Racontez-moi la première nuit à Thévenec. Tout seul. Ah, ben tout seul, c'est chouette. C'est chouette. On n'entend que la mer. Quoi. C'est bon, avec la, tant qu'il fait beau, c'est beau. Parce que c'était le beau temps quand même à ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas de houle du tout. On n'a pas eu de houle du tout. On n'a eu que du clapot. Ah ouais, c'était le beau temps. On n'aurait pas pu faire pendant l'hiver. Hein. C'est pas possible. Combien de temps les travaux, ça a duré en 1950? En 1950, on faisait que le toit, nous. On n'a fait que les toits. Hein. C'est... Ben, ça a duré 15 jours. Et le toit, il est fait en quoi là-haut? En béton maintenant. Ouais. On a mis du béton dans la coffret bétonné. Alors ça... pourquoi est-ce qu'il perce aujourd'hui? La charpente par elle-même, elle est costaud la charpente. Le bois, il travaille, ça, et puis, il y a des pressions, il y a tout ça. Quoi. Mauvais temps. La flotte passe par-dessus, là. Hein. Les vagues passent par-dessus. Hein. Non, j'aurais pas voulu vivre toute l'année là-dessus. Non. Et la roche? Ah, c'est le granit. Elle est costaud aussi. Ah ouais, ouais. Alors là, ça risque rien. Là. Même la maçonnerie qui a été faite dessus est bien. Hein. C'est les murs de 50 qu'il y a. C'est du costaud. Hein. Et la charpente en chêne, costaud aussi. Ah ouais, c'est pour tenir ce que ça tient là. C'est que vraiment c'était fait comme il faut. Hein. C'est comme si on était un petit peu en terrasse. On a descendu une volée de marche depuis le phare et il y a une espèce de petite avancée dans la roche avec un banc. Et la roche, c'est quoi comme roche? Ah, ici les roches, c'est complexe. Il y a des quartzites, il y a du gneiss, il y a... Parce que tout ça est né du magma. Donc à la fois, on va dire, c'est du granit pour résumer, c'est hyper solide, mais en même temps, on voit qu'il y a des failles partout. Oui, parce que on est sur une zone de faille très importante ici. Parce que vous avez ici deux grands jeux de failles, on va dire. Un qui est au nord du Cap Sizun et qui passe par ici et qui va vers en direction là-bas d'Ordonnée, hein, qui est en face de nous. Et un autre système de failles qui est dans la partie sud par lequel on est venu. C'est pour ça que vous appelez ça le plateau de Thévenec ? Voilà, c'est le plateau de Thévenec. Alors, tout le plateau de Thévenec, mais enfin, c'est un plateau érodé maintenant, parce que ça fait... La dernière surélévation de la mer ici, c'est il y a 15 000 ans. Bon, ça fait un moment. Mais il y a 15 000 ans, la mer était à 100 km, 110 km dans l'ouest. Et donc là, on était quelque part en pleine nature, sur une hauteur, un caillou isolé, qui dominait l'ensemble des deux grandes plaines ou peines et plaines, on va dire, qui sont de chaque côté, qu'on ne voit pas, parce que maintenant la mer est ici, hein, elle est remontée d'environ de 120 mètres, et donc ce qui est le centre de l'Iroise, qui serait une vaste dépression, autrefois ben, couverte à cette époque-là, il y a 15 000 ans, par de la toundra. Donc on peut imaginer que du haut de ce caillou, il y a eu des chasseurs de l'époque paléolithique, et qui ont... surveiller peut-être les troupeaux de rennes ou autre chose qui couraient en contrebas ici à quelques dizaines de quelques kilomètres ou à 10 kilomètres et qu'on voyait passer. Alors si on fait un bond dans le temps, Marc Pointu, des chasseurs du paléolithique aux marins du fin du 19e siècle, c'est là qu'a été édifiée en 1875 cette maison phare, donc Thévenec. Voilà. Alors, pour cette raison justement, parce que Thévenec est central dans le Rotsin. Hein. Il est barre le nord, donc il est au milieu. Au milieu, mais dans le nord. Ce qui fait qu'on est obligé de le baliser, parce que sinon, on peut se taper dedans, tout simplement. Hein. Donc ici, c'est un feu, ce qu'on appelle un feu de chenal. Un feu de chenalage, hein, c'est pas un grand feu d'atterrissage qu'on voit quand on arrive de New York ou du Canada, c'est un feu qu'on voit quand on est déjà dans les eaux du Ratsin, et donc qui sert à se diriger, parce qu'en fait vous avez des secteurs ici, hein, il y a des secteurs blancs, verts et rouges, et donc il y a des secteurs blancs, quand on voit le phare blanc, c'est qu'on est dans des eaux qui sont... non dangereuse. Hein. Et puis les secteurs rouges, bien sûr, sont des zones interdites parce que entre le bateau et le feu, il y a quelque part des récifs ou des hauts fonds. Voilà, donc on ne peut pas naviguer dans le secteur rouge. Alors là, donc, tout le Ratsin, c'est un jeu de balisage de secteurs. je parle pour la navigation de nuit, on passe d'un secteur blanc à un autre. Et donc, dans la terminologie bien connue des phares, ici, c'est plutôt enfer parce que c'est pleine mer, contrairement à purgatoire sur l'île de Saint et paradis sur Terre. Oui, si on vient à la terminologie classique des gardiens de phares, oui. Oui, si, c'est, ici, en fait, c'est la, on est ce qu'on appelle dans un phare en mer, en fait. Voilà. Donc, maison feu créée en 1875, éclairée au gaz dès 1898. Et puis, peu de temps après, d'ailleurs, le feu est passé en automatique. En 1910, enfin un peu avant, mais voilà, il est. Enfin, en fait, il n'était pas automatique, il était permanent au début. C'est-à-dire que ça brûlait jour et nuit. Et puis bah, de nuit on le voit, puis de jour on ne le voit pas, c'est tout simple. Hein. Voilà. Marc Pointu, un escalier en colimaçon. Oui. Qui arrive donc à l'étage. Et alors, là il y a une grille. Voilà. Dans la maison feu, on a accès à la maison, mais on n'a pas accès au feu. Non, et ça c'est prévu par la convention avec les phares et balises. Nous n'avons pas accès à la partie lanterne. Voilà. C'est-à-dire que là, haut de l'escalier, une grille avec un gros cadenas. Voilà, dont les phares et balises ont la clé évidemment, mais pas nous, mais. Voilà, bah c'est pour éviter qu'on y arrive. Enfin bon, c'est très bien, non pas qu'on ferait quoi que ce soit, mais comme ça, c'est bien. Si ça tombe en panne, c'est pas nous, parce que de toute façon, on ne va pas y aller. Mais ça tombe jamais en panne, donc c'est bien. Voilà. Donc ici, on est près du sommet, en fait, de la maison feu. On est à 30 mètres, Oui. Par rapport au niveau de la mer. Oui. Et tout à l'heure, vous avez dit que les vagues les plus grosses passent au-dessus. Ah oui, ça, elles atteignent la lanterne, oui. Et en hiver, oui. Enfin, quand j'y étais, moi, je l'ai vu, quoi. Donc vous avez vécu une vraie tempête avec... Oui, alors là, c'était... j'ai eu plusieurs gros coups de vent, mais le plus gros, qui était même une tempête d'ailleurs, c'était le soir de Pâques, le dimanche de Pâques, fin mars. Je suis sorti, c'était vraiment l'enfer, hein, c'était terrible. Hein, parce que on entendait les vagues qui explosaient sur la face nord, là, derrière, parce que ça fait une petite falaise, un peu, là. Mais donc ça claquait là, ça montait, et ça retombait en vrac sur le toit. Et ça redescendait de chaque côté du toit. Enfin, et toute la terrasse où on est passé tout à l'heure, là, était inondée d'un mètre d'eau, hein, en permanence. Hein, c'est qui court et qui descendait des marches, ça dévale. Enfin, on est vraiment au cœur de l'événement, là. On a eu 83 ou 5 nœuds, ce qui est fait pas loin de 150-160 km/h. Hein. Mais là où on a déjeuné, on était côté ouest. On serait pas resté. Hein. Même passer la tour, là. Le vent était si fort qu'on se renvoyait, 160, on ne tient plus. Là. Et d'ailleurs, sur le mur, il y a une espèce de garde-fou qui voilà, court. Il y a une ligne de vie. Une ligne de vie, oui, qu'on avait installée avant que je vienne, de façon à pouvoir se mettre le harnais. Quoi. C'est ce que j'ai fait, bien sûr. Mais quand je suis sorti avec le harnais et tout ça, mais on n'ose pas trop s'aventurer parce qu'on entend des énormes bruits d'explosion, ce sont les vagues qui arrivent par derrière. Et il suffit qu'il y en ait une qui soit nettement plus grosse que les autres, même si les premières sont grosses, on peut toujours faire mieux en mer. Hein. Et donc on ne sait pas d'où ça vient, après ça peut balayer la terre d'un coup. Enfin, donc j'ai été extrêmement prudent, j'ai mis un nez dehors, mais pas très loin de la porte. Et puis j'ai bloqué la porte de façon à ce qu'elle ne claque pas, parce que c'est le truc idiot, la porte qui claque, et puis voilà. Donc c'était très impressionnant et très intense surtout, mais il faut rester prudent. Quoi. C'est hyper prudent dans ces circonstances-là. Plein feu sur le phare de Thévenec. Retour en enfer avec Marc Pointu, Jeff et Yvon Hervéou. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. La suite de l'histoire du phare de Thévenec, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.